Bismillahirrahmanirrahim. Donc à partir d'aujourd'hui, on rentre dans Kitab al-Fiqh. On a passé Kitab de Tajwid et celui de la langue arabe qui, eux, méritent à la base un visu et de l'application et des doulous en langue arabe. Alhamdoulilah, il y en a beaucoup sur le site. Et quant au Tajwid, comme on l'a dit, ça demande application et suivi minutieux. À travers de simples audios comme ça, cela n'apporterait pas grand profit. Taïeb. Donc là, on est dans le Kitab al-Fiqh, dans ce qui touche à la jurisprudence. Dans Ad-Dars Arabiya wa Tis'in, 94e leçon. Qala al-mu'allifu, hafizallahu ta'ala, babu at-tahara, le chapitre de la purification. Car tout commence par cela, en premier lieu, dans ce qui va suivre, par la purification. Qala, في السؤال الثاني والستين بعد سبعمية 662 question ما البحر quel est le jugement de l'eau de la mer. Donc en premier lieu il parle des eaux car c'est par ces eaux là que l'on se purifie par la suite pour accomplir cette adoration. Donc il dit là, il demande déjà en premier lieu ce qui est la plus grande surface d'eau qui est sur terre, c'est la mer. Donc quel est le jugement de l'eau de la mer. Il dit وَتَهُرْ مَاُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ, que c'est une eau qui est purifiée et purifiante, pure et purifiante, et dont la chair morte est halal, c'est-à-dire les animaux marins, les animaux qui vivent dans l'eau, il n'y a pas besoin de les égorger pour les manger. C'est-à-dire s'ils meurent, leur viande, leur chair nous est halal, contrairement aux animaux terrestres. وَالْدَلِيلُ c'est le hadith d'Abu Huraira, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ التُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Lorsqu'il a été interrogé à propos de l'eau de mer, il a dit c'est celle dont l'eau est pure et purifiante et dont la chair morte nous est licite. Rapporté par Abu Daoud, wa Tirmizi, wa Ghayrihi. ثم قال في سؤال الثالث والستين بعد سبعمية متى يصبح الماء نجسا, quand est-ce que l'eau devient une impureté. En premier lieu, il faut savoir que l'eau, les ulama les ont divisés en trois catégories. Certains en deux. L'eau qui est tahour, c'est-à-dire l'eau qui est pure en elle-même et purifiante. Et à la base, toute eau purifiante est pure de toute façon. Toute eau purifiante est pure. Mais ce n'est pas toute eau pure qui est purifiante. Donc, la première, c'est celle qui est pure et purifiante. Et on peut l'appeler purifiante toute seule. La deuxième, celle qui est pure et non purifiante. Et la troisième, celle qui est impureté. Donc, pure et purifiante, ce qu'on a l'eau purifiante, c'est celle comme l'eau de mer, l'eau de source, l'eau qui vient du ciel, comme les eaux de pluie, l'eau par laquelle, qui n'a pas été, dont la nature n'a pas changé, et qui n'est pas devenue une impureté. Cette eau-là, c'est celle par laquelle on se purifie. L'eau qui est pure, c'est celle qui, à la base, n'est plus purifiante, qui aura perdu une de ses propriétés. Par exemple, une eau sur laquelle, qui aurait été mélangée un produit, et ce produit-là aura changé la nature de l'eau. Par exemple, je ne sais pas moi, de l'eau, dans laquelle on met du sirop, pour pouvoir le boire, ce sirop change la nature de l'eau. Cette eau reste pure, mais elle n'est pas purifiante, on ne peut pas faire l'eau avec. De l'eau qui a été mélangée par exemple avec du café, ou avec du thé, ou du bouillon, rien n'est à l'écart. C'est de l'eau qui à la base elle est pure et purifiante, elle a été mélangée à un aliment ou à une autre matière qui lui a fait perdre sa faculté d'être purifiante, mais elle reste pure. Celle-ci, on ne peut pas se purifier avec, car elle n'est pas purifiante. Mais elle reste pure du fait qu'on peut la toucher, on peut en consommer, on peut faire d'autres choses avec, en fonction de ce qu'elle est devenue. Et la troisième, celle qui est najasa, c'est celle qui est devenue impure, c'est-à-dire celle dont dont la couleur ou l'odeur ou le goût a changé à cause d'une impureté qui s'y est mélangée. L'eau, cette couleur a changé, son odeur a changé, où son goût a changé à cause d'une impureté de grande quantité qui aura changé sa nature. Et cette eau-là, elle n'est pas purifiante et elle n'est pas pure non plus de toute façon. C'est une impureté. Et ça, c'est une masala sur laquelle il y a unanimité. 664e question. Quel est le jugement de l'urine des animaux dont la viande est comestible? Et cette urine est considérée comme étant pure. Elle n'est pas purifiante, mais elle est pure. Ça veut dire qu'elle n'est pas une impureté, c'est-à-dire qu'elle nous touche. Ce n'est pas comme si on avait été touché par l'urine d'un être humain. Aurait les alikas. Et son urine est pure. D'accord ? Et même sa chair et même ses excréments sont purs également. Et le dalil, c'est le hadith de Anas, Anauna Salmin Rouliate Rouliana Rouliana Ishtahu al-Madina. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. Que des gens sont venus et que le Nabi صلى الله عليه وسلم leur autorisait de boire de l'urine et du lait des chamelles qui étaient donnés pour les sadaqas. Donc l'urine de chameau est comestible. C'est même un médicament qui est connu. Et ces excréments également, quand le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait le hajj sur sa monture, sur sa chamelle. Et il est certain que la chamelle, lorsqu'elle marche, elle fait ses besoins. Ça tombe dans le masjid de Haram. Et si c'était impur, ça n'aurait pas été accepté. Car le masjid de Haram est le lieu préféré auprès d'Allah Azzawajal dans l'univers, c'est un masjid. Et les impuretés dans le masjid ne sont pas à tolérer. Donc si jamais cela n'était pas le cas, c'est-à-dire que les excréments de ces animaux étaient impurs, il n'aurait pas fait son hajj sur sa chamelle. Non. Son maqala, fils Su'al. الخامس والستين بعد سبعمية سيسون سوسون كم كيستيون الاستجمار بكم يكون من الحجارة دونك الاستجمار avec combien de pierres est-ce qu'on peut le faire l'estigmar c'est le fait de se nettoyer les parties après avoir fait ses besoins avec des pierres d'accord par exemple quelqu'un est dans la nature par exemple il a uriné ou il a fait ses grands besoins il essuie les parties qui ont été qui ont touché d'où sont sortis les najasa avec des pierres c'est une chose qui est permise. Donc il dit, ils estajmeront, enfin liotir, qu'ils le fassent avec un nombre impair. Wala yakun bi akal min salaf. Et que cela n'ait pas lieu, ne se fasse pas avec moins de 3 pierres. C'est-à-dire le minimum qu'il utilise sera 3 pierres. Ou alors, si ça ne suffit pas, 5. Si ça ne suffit pas, 7. Ainsi de suite, 9, 11, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait fait partir la base de l'impureté. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira. An Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, man estajmera fa liotir. Que celui qui se nettoie avec des pierres, alors qu'il fasse cela avec un homme impair. Et dans le hadith de Salman, radiallahu anhu, qu'a dit Nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nastanjiya bi akal min salasti ahjar. Qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire l'istijmar, c'est-à-dire de nous nettoyer avec des pierres, avec moins de 3 pierres. Qu'a fi su'al as-sadis wa sittin wa sab'amiyya. 766e question. Il dit voilà al kalb fi ina famal hukm. Si jamais un chien venait à boire dans un récipient, qu'en est le jugement? On doit le laver 7 fois et la première fois avec de la terre. Et de là, la plupart des ulémas voient que la bave du chien est impure. Que la bave du chien est impure. Par rapport à ce hadith qui va suivre. An Abi Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tuhur ina ahadikum, il dit voilà fihi al kalb an yarsilahu sab'a marrat ou lahunna bit turab, rawahu muslim. Qu'il a dit que la purification d'un récipient de l'un d'entre vous, si jamais le chien venait à boire dedans, c'est qu'il le lave 7 fois et la première fois avec de la terre. Donc ils disent, Tohur, le fait de purifier, ça prouve que sa bave est impure pour eux. D'accord ? C'est le masala sur lequel il y a divergence, comme beaucoup de masala du fiqh. Et ce qu'on-là paraît comme étant le plus clair. Allahu ta'ala alam. Après, il dit, Fissu'el, Sabir, Wasitin, Bard, Sabamiya, 767e question. Est-ce que le chat est un animal impur? Et ça ne l'est pas. Quand l'aïnama minetawafin alaykum, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Qatada, qu'il est interrogé à propos du chat, il a dit inna alisat binajas. Elle n'est pas une impureté. Le chat n'est pas impur. Il est juste parmi les animaux qui rôdent autour de vous, qui vivent avec vous, au milieu de vous. Naam. Thumma qala, fi su'al thamin wa sittin bar sabamiya, 600. Au 768e question, comment doit-on agir si une mouche venait à tomber dans notre boisson et même notre nourriture? Donc si une mouche venait à tomber dans notre boisson, on devrait la plonger, c'est-à-dire dans cette boisson, car dans l'une de ses ailes, il y a un poison, un mal, et dans l'autre, il y a la guérison, le remède. L'antidote. Et ça, c'est un hadith que beaucoup de gens de rationalistes, même parmi les gens de l'islam, ont refusé. Quand ils ont dit, on a étudié les mouches, on n'a pas trouvé cela en elles. On dit, Ahava min al-wahi, parmi les choses ghaibiyya de l'invisible qu'on ne peut connaître que par la révélation, et nous on y croit car le hadith il est rapporté par les Bukhari, il est authentique. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit waqa'a adh-dhubab fi ina ahadikum faly'amasu kullahu thumma yatrahuhu fa inna fi ahad janahi shifa wa fi al-akhar da. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais la mouche venait à tomber dans le verre, dans la boisson de l'un d'entre vous, qu'il la plonge entièrement dans son verre, puis qu'il l'en sorte, car dans l'une de ses ailes, il y a une guérison et dans l'autre, il y a un mal. Ce qui prouve que la mouche en soi, d'accord, n'est pas une chose impure. La mouche en soi n'est pas une impureté. Naam. Faqala fi suwal at-tasir wa 60 bar 700 ou 769e question. Kayfa yutahhar jild al-mayta? Comment doit-on purifier la peau des animaux morts? D'accord, ceux qui sont morts et qui n'ont pas été égorgés au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment profiter de leur peau? Qala bi ad-dibar, par le tannage, qu'on appelle le tannage, qui a lieu avec de l'eau et des pierres. Et aujourd'hui, on a peut-être des nouveaux moyens plus modernes. Wa dalilu hadith Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idha dhubi'a al-lihab faqad tahur. Qui l'a dit sallallahu alayhi wa sallam que si jamais la peau a été tannée, alors elle devient pure. Ce qu'on fait avec du cuir par exemple, ou les peaux d'animaux, les fourrures de certains animaux dont c'est permis, la laine des moutons qui n'auraient pas été égorgés, Naam. Donc là ce qu'on a voulu prendre aujourd'hui comme un sahel qui touche au fiqh, à la purification. Et bien le code n'a pas fait, ou alhamdulillah.